إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on va terminer inshallah aujourd'hui la partie sur les catégories de kufr, anwa' al-kufr, et on va commencer, et je sais pas si on pourra terminer, sur l'hypocrisie, an-nifaq, inshallah. On s'est arrêté sur un point qui était important à comprendre concernant le kufr. On avait dit qu'il y en avait deux types, akbar wa asghar. Akbar, c'est ce qui exclut de l'islam. Et puis Asghar, c'est ce qui n'exclut pas de l'islam. Mais, voilà, péché, yani, c'est un péché majeur. D'accord ? Et on avait vu ce que le Cheikh Salah al-Fawzan Havidullah avait expliqué. Notamment sur le fait que la mécréance mineure, le kufr al-Asghar, eh bien, n'exclut pas l'individu de l'islam. Parce qu'on voit, par exemple, lorsqu'on lit dans des hadiths, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sibab al muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman, c'est une perversité, un égarement, et le combattre, c'est une mécréance. D'accord. Lorsqu'on lit dans le hadith kufr, c'est différent de al kufr, comme dans l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma bayn al abd ce qui est entre eux, yani l'individu, ce qui sépare l'individu de, yani de le polythéisme, l'associationnisme, la mécréance. D'accord. L'associationnisme, la mécréance, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'individu va tomber dans cela? C'est le fait qu'il délaisse la prière. Et la mécréance ici, el kufr, dans ce hadith-là, c'est le kufr majeur. Donc on voit la différence avec la préposition de « el »,« el kufr ». Et s'il n'y a pas de préposition, lorsque c'est seulement « kufr », on voit la différence. « Kufr », sans la préposition, dans le hadith « sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr », ça, c'est une mécréance qui est moindre, c'est-à-dire qui n'exclut pas de l'islam. Et pour preuve que le fait de qu'un musulman combat un autre musulman ou tue un musulman, ça, c'est les choses qui font partie des kabaïr, qui font partie des péchés majeurs. C'est haram. D'accord. Ça fait partie des péchés majeurs. Seulement, ça n'exclut pas l'individu de l'islam. Et il avait utilisé notamment les preuves du Coran et de la sunna sur cela. Donc la sunna, ce qu'on avait mentionné sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, insulter un musulman est une perversité, un égarement, et le combattre ou le tuer est une mécréance. Et ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Falam yukhrij al qatl min alladhina amanu. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'est adressé, eh bien, aux croyants, eh bien, ceux qu'on yani au sujet des tués, ça ne nous a pas exclu de la croyance, d'accord. Donc celui qui tue n'est pas exclu de la croyance, d'accord. Il reste un croyant malgré qu'il a commis un péché majeur, d'accord. Il reste un croyant malgré qu'il a commis un péché majeur. Naam. Parce que tout péché majeur, c'est conditionné par une repentance. D'accord. Ce qui est différent des péchés mineurs. Où est-ce que, certes, c'est bien de se repentir, d'accord, mais une bonne action efface la mauvaise action. D'accord. Et ensuite, ce qu'Allah Azza wa Jal dit, فَقَالَ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان. Mais celui, lorsque vous continuez le verset, la ayah de Sourate Al-Baqarah, le verset 178, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Donc on voit bien que Allah Azza wa Jal n'a pas annulé lam tantafi al-ukhuwa fi ad-din, d'accord, la fraternité dans la religion, elle n'a pas été annulée par le fait que le musulman a tué un musulman. D'accord ? Il reste un musulman, mais il a commis un péché majeur. Donc, Allah Azza wa Jal, premier point, c'est qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé à vous les croyants, et celui, ça inclut celui qui tue et celui qui a été tué. Mais aussi, mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer les dommages de bonne grâce. D'accord ? Donc là, on voit déjà avec ces versets-là. والمراد أخوة الدين بلا ريب. C'est ce que dit Cheikh Salah Al-Fawzan, il dit ce qui est voulu ici, la fraternité, c'est la fraternité en religion, d'accord ? On se rappelle, à chaque fois je mentionnais ce verset de Sourate At-Tawbah, concernant les mouchriquins, pour la condition pour qu'ils deviennent des frères, il faut qu'ils se repentent du shirk, et qu'ils fassent la salat et qu'ils donnent la zakat. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاتُ وَأَتَوُوا الزَّكَاتُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Alors, ils deviennent vos frères à la condition qu'ils se repentent du shirk et qu'ils se mettent à faire la salat et qu'ils donnent la zakat. Donc ça veut dire, lorsqu'ils deviennent des musulmans, là ils deviennent des frères. D'accord ? وَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. D'accord ? Ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Hujurat, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal, إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحجرات 9 à 10. Si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'entre eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. On continue maintenant le verset 10, Sourate Al-Hujurat. Les croyants ne sont que des frères. D'accord ? Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc c'est barakallahu fik, ces versets-là, là, que ce soit de Al-Baqarah ou Al-Hujurat, montrent que y a la mécréance qui est moindre, mineure, d'accord ? Comme par exemple le fait qu'un musulman tue un autre musulman, ça fait partie de la mécréance qui est mineure, mais qui est un péché majeur. Et on voit que le fait que c'est une mécréance, mais qui est une mécréance moindre, il a utilisé en fait ces versets-là, montrant que ça n'annule pas la fraternité entre les musulmans. Donc si ça n'annule pas la fraternité, l'ukhuwa fi ad-din, lam tantafi bihadha, ça n'a pas annulé la fraternité dans la religion, entre celui qui tue et celui qui a tué. Donc ceci est une preuve que, certes c'est un péché majeur, mais c'est une mécréance mineure qui n'exclut pas de l'islam. D'accord ? C'est clair pour ça, Inch'Allah. Donc, et ça, c'est notamment en résumé de Sharh al-Tahawiyya, bi-ikhtisar, ce qu'a mentionné Cheikh Salah Fawzan. Donc ça, ce sont sur ces points-là. مخلص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. Maintenant, pour résumer en fait la différence qu'il y a entre la mécréance majeure et la mécréance moindre ou mineure. أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال لكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبها للوعيد. Donc il dit en fait, la première différence qu'il y a entre la mécréance majeure et la mécréance moindre, ou la mécréance mineure, c'est que la mécréance majeure exclut l'individu de l'islam, annule toutes les œuvres. C'est-à-dire que toutes les salats qu'il a fait, tout le siyam qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire comme ibadet, s'il tombe dans la mécréance majeure, eh bien plus rien n'est accepté auprès d'Allah. والكفر الأصغر لا يخرج من الملة. La mécréance mineure n'exclut pas de la communauté de l'islam. Wala yuhbitul a'mal. Et n'invalide pas les œuvres. D'accord ? Lakin, mais ça diminue en fonction en fait de ce qu'il a fait. D'accord ? Ça diminue en fait la perfection de ces œuvres-là. D'accord ? Et ce qu'il y a, c'est que l'individu qui commet de la mécréance mineure, d'accord, le kufr al-asghar, eh bien, il est sous la menace, il est sous la menace d'entrer en enfer. Il est sous la menace d'entrer en enfer. Ça, c'était pour le premier point. Deuxième point, la différence entre le kufr al-akbar et le kufr al-asghar. Le kufr al-akbar, yukhallad sahibuhu finnar. Mécréance majeure, celui qui meurt sur cela, sans s'en être repenti, eh bien, il reste pour l'éternité en enfer. D'accord ? Amin. والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها. Tandis que la mécréance moindre ou mécréance mineure, si l'individu, si Allah Azza wa Jal fait rentrer cet individu-là, ce musulman-là, qui a fait de la mécréance mineure, si Allah Azza wa Jal a décidé de châtier ce musulman-là qui a commis cette mécréance mineure, a décidé de par sa volonté de le mettre en enfer, de le châtier en enfer, eh bien, il ne reste pas éternellement en enfer. D'accord ? Il reste pour une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. D'accord ? وَقَدْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يَدْخُلُهُ النَّارَ أَصْلًا. Et là, c'est comme on avait dit, ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. C'est que le musulman qui commet des péchés majeurs, d'accord, qui n'exclut pas de l'islam, comme par exemple une mécréance mineure, d'accord, eh bien, et le jour de la résurrection, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne de par sa miséricorde. Et si Allah Azza wa Jal veut le châtier, il le châtie de par sa justice. D'accord. Donc, si Allah Azza wa Jal veut lui pardonner, eh bien, cet individu-là ne rentrera pas en enfer du tout. D'accord ? Et c'est Allah Azza wa Jal qui fait ce qu'il veut. Le troisième point, أن الكفر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. La mécréance majeure rend que le sang et les biens ne sont plus illicites, ne sont plus sacrés. D'accord ? Tandis que la mécréance mineure, eh bien, le sang et les biens restent sacrés. Malgré qu'il commet une mécréance mineure, d'accord, eh bien, son sang et ses biens restent sacrés. Tandis que celui qui fait la mécréance majeure, son sang et ses biens ne sont plus sacrés. Comme on avait mentionné, le fait de tuer, par exemple, un musulman qui va tuer un autre musulman, d'accord. Donc ça, c'est une mécréance. Voilà, c'est ça. Parmi les exemples, Barclofi. Tandis que la majeure, eh bien, son sang et ses biens ne sont plus sacrés. أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين. Celui qui fait de la mécréance majeure, eh bien, les croyants doivent avoir de l'animosité claire avec un individu qui est tombé dans la mécréance majeure. D'accord ? فلا يجوز للمؤمن محبته وموالته. Ça, c'est dans le wala ou le bara qu'on avait déjà eu l'occasion d'expliquer. Il est interdit aux musulmans d'avoir un quelconque amour ou une quelconque alliance avec des gens qui sont tombés dans la mécréance majeure. D'accord ? Et il est interdit donc de les prendre pour alliés ou de les aimer. D'accord ? Puisqu'ils sont tombés dans le coffre l'akbar. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبْ قَرِيبْ. Même si c'est quelqu'un de très proche. Même si c'est tes parents. Qui sont très proches à toi. D'accord ? Ils tombent dans la mécréance majeure. Il t'est interdit de les aimer. Et il t'est interdit de s'allier avec eux. Et ça, c'est aussi pour répondre à ce qu'on entendait de certains qui mentionnaient sur le verset où Allah Azza wa Jal dit « Innaka la tahdi man ahbabt, ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne guides pas qui tu littéralement, hein, tu ne guides pas qui tu aimes. Donc, il y en a qui sont partis pour dire que, eh bien, tu as le droit d'aimer. Si tes parents c'est des kofars, tu as le droit d'avoir cet amour-là. D'accord ? Tu as le droit d'avoir cet amour-là et tout cela, qui est un amour naturel, que tu aimes tes parents et tout cela. D'accord ? Alors que, barakallahu fikum, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, avait expliqué, lorsque la question lui a été posée sur cela, il a répondu, tu ne guides pas qui tu souhaites sa guider. Qu'est-ce que tu aimes ? C'est qu'il se fasse guider. Ce n'est pas que tu aimes ce kafir. Mais tu aimes qu'Allah le guide. Tu souhaites qu'Allah le guide. D'accord ? Donc, c'est pour éviter de... Parce qu'il y en a qui font cette erreur-là. Ils pensent que tu ne guides pas qui tu aimes parce que donc tu as le droit d'aimer les kofars ou d'aimer tes parents qui sont des kofars. Non. C'est que tu ne guides pas à qui tu souhaites à guider. Qui tu aimerais qu'Allah Azzawajal le guide. Tu vois ? Mais Allah guide qui il veut. D'accord ? Donc c'est ça. Parce que Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, le musulman qui maîtrise ces points essentiels de la aqida, de la ilaha illallah, comprend parfaitement qu'il se doit d'aimer les croyants et les musulmans. Donc les musulmans. Il se doit d'aimer les musulmans. Et il se doit de détester, donc il se doit d'aimer en Allah, les musulmans, il se doit de détester en Allah les kofars et les mouchriquines. D'accord ? Cependant, ce qu'on avait mentionné, c'est que c'est pas parce que, par exemple, tu dois les détester en Allah, tu vois, tu ne dois pas éprouver un seul amour pour des gens qui sont restés dans le kofr, parce que tu as compris le wala wal bara. Ça ne veut pas pour autant dire que tu dois te comporter de façon mauvaise avec eux, non. Tu dois être juste. Tu dois être juste, tu dois respecter. C'est pas parce que quelqu'un que c'est un kafir qu'automatiquement tu vas l'opprimer sans aucun droit. D'accord ? Ça c'est interdit dans la religion. C'est-à-dire que c'est pour ça que les ulama ont expliqué dans le wala wal bara, s'il y en a qui se convertissent à l'islam et les parents s'y restent des kofars, il doit les détester en Allah Azza wa Jalla et il ne doit pas les aimer. Cependant, il doit bien se comporter avec eux. D'accord ? En souhaitant qu'Allah Azza wa Jal les guide. Et il invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il les guide. Ça, c'est permis d'invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il guide les kofars. C'est permis. D'accord ? Mais cependant, il est interdit d'invoquer Allah Azza wa Jal pour que qu'Allah Azza wa Jal ait miséricorde sur eux, etc. D'accord ? Donc ça, c'est un point important, Inch'Allah, à souligner. Donc c'est pour cela qu'il dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, « فَلَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ محبته وموالته ولو كان أقرب قريب. Il est interdit aux croyants d'aimer celui qui est dans la mécréance majeure ou de s'allier avec lui, même si c'est quelqu'un de très proche. وأما الكفر الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا. Tandis que la mécréance mineure, donc il n'exclut pas de l'islam, eh bien n'empêche pas de s'allier avec un individu qui a commis une mécréance mineure, qui est un péché majeur. D'accord ? Donc ça n'annule pas du tout l'alliance. Bel sahibuhu yuhab wa yuwala biqadr ma fihi min al-iman. D'accord ? Donc celui qui a commis la mécréance mineure, eh bien, on l'aime. D'accord ? Et on s'allie avec lui en fonction du degré de combien il a de foi. D'accord ? Plus il a de foi, parce qu'il y en a, machallah, ils ont de la foi, mais ils tombent dans des péchés majeurs, d'accord ? Personne n'est à l'abri. Donc c'est en fonction de cela. D'accord ? Plus l'individu a de foi, plus on l'aime. Moins il a de foi, moins... Il y a cet amour-là. Cependant, l'amour, il doit y être présent, parce qu'on se doit d'aimer, d'accord, les musulmans qui sont tous des awliyas d'Allah, d'accord, comme on l'avait plusieurs fois expliqué, barakallahu fikum. Donc on aime les musulmans, d'accord, et on s'allie avec eux. Et ceci, même s'il a commis de la mécréance mineure. Cependant, on l'aime et on s'allie avec lui, Yani cet amour-là, cette alliance-là, c'est en fonction du degré de la foi de ce musulman qui a commis de la mécréance mineure qui n'exclut pas de l'islam. D'accord ? ويبغض ويعادي بقدر ما فيه من العصيان. Et on le déteste, on a de l'animosité envers lui, d'accord ? En fonction de ses désobéissances qu'il a et des péchés qu'il commet. D'accord ? Si c'est quelqu'un qui a commis une mécréance mineure, d'accord ? Qui accepte la nasiha, d'accord ? La nasiha, le conseil sincère. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà, tu fais en sorte pour, tu lui souhaites le bien. Tu fais en sorte, voilà, de t'approcher de lui, de lui faire de la dawah. Et c'est différent de celui qui est arrogant et qui n'accepte pas la nasiha. D'accord ? Ou qui même essaie de combattre la sunna elle-même. Donc tout est en fonction, d'accord, du degré de la foi. Tout est en fonction du degré de la foi. Donc si c'est quelqu'un qui commet un péché et qui commet la mécréance mineure, yani, en fonction du degré de sa foi, eh bien on l'aime, un amour qui est en fonction de ce degré de cette foi-là. Une alliance qui est en fonction du degré de sa foi. Et on le déteste et on a de l'animosité envers lui en fonction de sa désobéissance. D'accord ? En fonction de sa désobéissance. Donc tout se base sur ça. Donc là on a terminé sur les catégories de kofre. De mes créances. Là maintenant, on va voir sur l'hypocrisie et le nifaq. Ta'rifuhu anwa'uhu. Donc sur ce qu'est le nifaq et ses catégories. L'hypocrisie. Ce sujet-là, c'est un sujet sur l'hypocrisie qui est très important. Parce que le danger, c'est que quelqu'un peut être un hypocrite sans s'en rendre compte. C'est ça le danger. Yani, c'est quelque chose yani, de très dangereux. Ça, tu vas citer ça. Inch'Allah. Et seul un croyant craint d'être ou de tomber dans l'hypocrisie. Il y a seul un croyant qui craint cela. Tu vois ? Comme lui-même, l'Qaïm rahimahullah avait mentionné. Al-Nifaq la yukhafuhu illa mu'min. Wa la ya'manuhu illa munafiq. L'hypocrisie, seul un croyant craint de tomber de là, craint d'être un hypocrite. Il n'y a qu'un croyant qui croit qu'il est... Alors que le munafiq, l'hypocrite, il croit qu'il est sécurisé de l'hypocrisie. Il croit que... Non, ce n'est pas un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Il se considère comme ne pas être un hypocrite. Ça, c'est le munafiq, celui qui croit qu'il est sécurisé de cela, qui croit qu'il est protégé. Il est protégé de cela. Tarifuhu, premier point, an-nifaq lughatan. Dans le linguistiquement, ce que ça veut dire an-nifaq. Masdar nafiq. C'est la racine de nafiq qui est déguisé, masqué. D'accord ? Yuqal nafaqa yunafiq nifaqan wa munafaqa. Huwa ma'khudh min an-nafiqa ahad makharij al-yarbu' min juhrih. فإذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج منه وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه. Donc ça c'est dans linguistiquement. Nifaq c'est pris la racine de nafaq, c'est-à-dire déguisé, masqué. D'accord ? On dit que quelqu'un nafaq, ça veut dire c'est déguisé ou c'est masqué. D'accord ? Yunafiq, c'est agir avec dissimulation. D'accord ? Ou parler avec hypocrisie. Nifaqan, ça c'est l'hypocrisie. Munafaqa, c'est hypocritement. Agir de yani, hypocritement. D'accord ? Et ça c'est pris par. C'est l'origine de ce mot-là, nifaq. Selon la législation d'Allah Azza wa Jal, ce n'était pas connu des Arabes. Ce qui était connu, c'était le sens linguistique. C'est-à-dire que c'est une des sorties du rat de son trou. D'accord ? Parce que le rat, il a des trous. Il rentre par un trou. L'individu l'attend de ce trou-là quand est-ce qu'il va ressortir, mais il va ressortir par un autre trou. D'accord ? Donc linguistiquement, c'est cela. D'accord? Donc si le rat donc s'est enfui dans un trou et il ressort par un autre. Et on dit aussi que ça fait partie, c'est pour ça que lorsqu'on utilise même en arabe al-nafaq, c'est pour le tunnel. Tu vois? Nafaq, le tunnel. Parce que c'est yani. Yani c'est quelque chose de caché. Tu le vois pas dès que t'es dans Paris, par exemple. Tu prends pas le RER, ni métro, quoi que ce soit, là, tu prends juste les bus. Tu vois pas ce qu'il y a en dessous. D'accord? Le tunnel, c'est en dessous. D'accord? C'est caché. وَأَمَّا النِّفَاقُ فِي الشَّرَعِ. Donc selon la législation d'Allah Azza wa Jalla, فَمَعْنَاهُ إِذْهَارِ الْإِسْلَامِ وَالْخَيْرِ وَإِبْتَانِ الْكُفْرُ وَالشَّرِ. Dans la législation, eh bien, l'hypocrisie, ça veut dire, c'est montrer l'islam et montrer le bien, mais cacher les choses mauvaises et cacher la mécréance. D'accord? Cacher la mécréance et cacher les mauvaises choses. سُمِيَ بِذَلِكْ لِيَنَّهُ يَدْخُلْ فِي الشَّرَعْ مِنْ بَابْ وَيَخْرُجْ مِنْهُ مِنْ بَابْ أَخْرِ. Ça a été appelé ainsi parce que celui qui est atteint de cela, qu'Allah nous en préserve, Amin, eh bien, il rentre dans l'islam d'une porte, d'accord? Il fait les deux attestations de foi, tout le monde voit, il est musulman, et il sort de l'islam par une porte que personne ne voit. D'accord? وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a averti sur dans le Coran sur le fait que ce qu'il a dit, en vérité, les hypocrites sont les littéralement les pervers. Parce que on avait vu hein, le fisq, c'est la perversité, l'égarement. D'accord? Et ici, le cheikh explique, il dit, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, « Innal munafiqina humul fasiqoun » il dit, « Ay al-kharijuna min al-shara » ceux qui sortent de la législation. D'accord? Les hypocrites sont ceux qui sortent de la législation. « Wa ja'ala Allah al-munafiqina sharran min al-kafirina faqala innal munafiqina fi d-dark al-asfali min al-nar » Allah Azza wa Jalla a fait que les hypocrites sont pires que les mécréants eux-mêmes. D'accord? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, en dessous des kuffars et des mushrikines. Hein. Au plus bas fond, ce sont les munafiqines. Ils montrent l'islam et ils cachent la mécréance. C'est ça le nifaq dans la législation. On montre l'islam et on cache le kuffar, la mécréance. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction au sens du verset, les hypocrites essaient de tromper Allah Azza wa Jalla, mais Allah Azza wa Jalla les tourne en dérision, les trompe. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Les hypocrites cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute, d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. D'accord? Donc, le Cheikh Mohamed Saïd Raslan Havidullah avait un cours, parce que j'avais déjà fait ça dans une autre mosquée, sur les attributs des hypocrites et leurs dangers. Et il expliquait ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est que la parole de l'imam Al-Qaïm, rahimahullah, c'est que le croyant, d'accord? Seul le croyant craint ou a peur de tomber dans l'hypocrisie. Tandis que l'hypocrite se sent en sécurité, et il sent qu'il n'est pas un hypocrite et il sent qu'il est immunisé contre l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est celui qui se croit immunisé contre le nifaq. Tandis que le croyant, c'est celui qui craint de tomber. Il ne s'en rend pas compte, quoi. Non. Il le sait et ou il ne s'en rend pas compte qu'il est vulnérable. Ah, celui qui est hypocrite. Celui qui est hypocrite, eh bien, lui, il croit qu'il n'est pas touché par l'hypocrisie. Et il croit qu'il est bien, il croit que... Il ne croit pas. C'est une maladie, c'est ça. C'est un mard, a'oudou billah. Voilà. Lui, il montre l'islam, il croit qu'il est bien, il croit qu'il est d'accord. Mais au fond de lui, il ne croit pas du tout. Parce qu'il n'est pas intéressé du tout par cela. D'accord ? C'est juste pour... Pour une apparence, pour une certaine notoriété auprès des gens, pour que les gens disent de lui, mashallah, il est... D'accord ? Alors que c'est un munafiq. D'accord ? Par intérêt. D'accord ? C'est pour cela qu'il avait mentionné le cheikh, hafidhahullah, concernant Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. On sait tous que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, était sur la montagne de Uhud, avec Othman ibn Affan et Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, majma'in. Et avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et la montagne de Uhud avait tremblé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, « Oh Uhud, reste ferme, sois ferme. Tu as au-dessus de toi un prophète, l'envoyé d'Allah, azawajal, un siddiq, un véridique, pour Abu Bakr al-Siddiq, et deux martyrs, pour Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, et Othman ibn Affan. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà attesté qu'ils allaient être des martyrs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Abu Bakr il est fil jannah, que Abu Bakr est au paradis, Omar fil jannah, Othman fil jannah, Ali fil jannah. Il avait cité, il avait dit qu'Abu Bakr était au paradis, Omar au paradis, Othman ibn Affan radhiyallahu anhu au paradis, radhiyallahu anhu majma'in. Il l'avait mentionné, voilà, il est au paradis, Ali au paradis. Omar ibn Khattab a eu cette attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait être un martyr, qu'il allait être au paradis. Mais malgré cela, il craignait l'hypocrisie. Il disait, observez les genèses, les prières mortuaires. Voyez si Hudhayfa est présent aux genèses, alors Omar ibn Khattab venait à la Genèse. Mais si Hudhayfa radhiyallahu anhu ne venait pas à la Genèse, il savait que c'était un munafiq qui était mort. D'accord ? Question, donc, en disant qu'il savait qu'ils allaient au paradis, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on entend souvent dire quand il a fait le jour de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Est-ce qu'il a vu vraiment les gens du paradis, vraiment les gens du... Là, barakallahu fik, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit, d'accord, lorsque ils ont donné l'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Omar est au paradis. Il a dit Othman est au paradis. Il a dit Abu Bakr au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et Allah azza wa jalla a dit wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah. Barakallahu fik. Il les a cités, yani, il venait, il lui donnait, d'accord. Et il disait, voilà, il est au paradis. Donc, Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, a eu l'annonce du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait être un martyr. Et il est mort en martyr. Il s'est fait assassiner à la Salat al-Fajr, par un mouchrik, un adorateur du feu, qui s'était fait passer par un musulman en se mettant, d'accord, derrière. Donc là, ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour... voilà, il est venu derrière, juste derrière Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu. Il a dit, Allahu Akbar. Il lui a planté le couteau, d'accord ? Et puis il essayait de continuer à prier avec le sang qui coulait, subhanallah. Et il avait dit, alhamdoulilah, que celui qui m'a tué n'a pas fait une seule rak'a, subhanallah. Tu vois ? Donc Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, avait eu ces annonces-là. Mais malgré cela, il avait peur d'être un hypocrite. Il est parti voir Hudhayfa, radhiyallahu anhu, connu sous la dénomination Sahib al-Sir, c'est celui qui détenait le secret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Hudhayfa radhiyallahu anhu une liste, il lui a cité ceux qui sont des munafiqines. Il lui a dit Foulan c'est un munafiq, celui-là c'est un munafiq. Et il avait une liste. Il y a 17, je crois. Allah, je ne sais plus combien, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une liste. Il lui a dit une liste de ceux qui sont des munafiqines. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit que ceux qui ne connaissaient qu'étaient des munafiqines. Parce qu'ils ne savaient pas qui étaient tous les munafiqin. Seul Allah Azza wa Jal sait qui tous sont les munafiqin. Mais il savait ceux, en fonction de ce qu'il faisait apparaître et ce qu'il disait, d'accord ? Donc ceux qu'il savait, eh bien, il avait mentionné à Hudhayfa radiallahu anhu que, eh bien voilà, un tel est un munafiq. D'accord ? Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait peur qu'il était sur cette liste-là. Il avait peur, t'imagines, malgré tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Hein? Il est parti voir Hudhayfa radiallahu anhu et il lui a fait jurer par Allah de lui dire si son nom était mentionné dans cette liste. Subhanallah. Hein? Alors, yani, je ne sais pas si on arrive à voir. C'est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il est au paradis. D'accord? Et lui dit qu'il sera un martyr. Et il craignait que, il avait peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné son nom à Hudhayfa. Et donc, Hudhayfa radhiyallahu anhu lui répondit, parce qu'il voulait le donner à personne, c'est pour ça, parce que c'était un secret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Et il lui a dit, parce qu'il l'a fait jurer par Allah, mais il lui a dit donc, je te le dis à toi et je le dirai à plus personne d'autre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas mentionné. D'accord ? Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a envoyé quelqu'un dès qu'il y avait une genèse. Et il lui disait, va voir si Hudhayfa est présent. Si Hudhayfa est présent, donc il allait. D'accord ? Parce que ce n'était pas un munafiq. Mais si on lui disait que Hudhayfa n'était pas présent, donc il disait, ça c'est un munafiq. D'accord ? Subhanallah. Donc, on voit, barakallahu fikum, que seul un hypocrite se sent immunisé. Sans qu'il n'ait pas hypocrite. Sans qu'il est très bien, etc. Alors qu'on voit Omar ibn Khattab, seul le croyant craint de tomber dans l'hypocrisie ou craint d'être un hypocrite. D'accord ? Quand est-ce que Matabada al-Nifaq, quand est-ce que ça a commencé le Nifaq ? D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Mecque, il y avait deux catégories. Il y avait les croyants et les kofars, et les mouchilkines. D'accord ? Donc il y avait les musulmans, il y avait les mouchilkines. Donc, il n'y avait pas de possibilité de faire du nifaq. Pourquoi ? Parce que les musulmans, ils étaient torturés à la Mecque. C'est pas par exemple, tu vois, ils ont la puissance à la Mecque et puis ils se faisaient torturer. Celui qui, s'il savait qu'un tel était musulman, il l'attrapait, il le torturait. Voyez ce qu'ils ont fait à essayer de rattraper les sahabas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont allés en Abyssinie. Ils ont essayé de tout faire pour essayer de les prendre, d'accord, du roi d'Abyssinie pour les ramener là-bas et les torturer. Donc c'était pas une chose simple de se dire à la Mecque que voilà, je suis musulman parce que tu te faisais torturer. Ils cachaient leur islam. Voilà, c'était l'inverse. C'était l'inverse. C'est-à-dire que ils montraient une apparence de kofr, d'accord, tout en détestant cela, mais ils cachaient l'islam. D'accord, c'était le contraire de l'hypocrisie. C'est ce que disait Ibn Kathir, rahimahullah, concernant cela sur les versets, sur les sifat et le munafiqin. Donc déjà, le premier point, c'est que c'est pas à la Mecque que ça s'est déroulé. Parce qu'à la Mecque, les musulmans n'avaient pas la puissance et ils se faisaient torturer. D'accord ? On repense à cette sahabiyette parmi les femmes qui s'étaient converties à l'islam et qu'ils lui disaient de mentionner leur divinité, leur statut et tout cela là. Et elle disait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. D'accord ? Seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration en toute vérité. Elle n'arrêtait pas, non. Ils ont fait brûler du métal. Alors, tu sais, le métal, dès que tu le fais brûler à fond, tu vois comment il devient rouge, très lumineux. Et ils l'ont rapproché de ses yeux et elle est devenue aveugle. Et malgré cela, elle continuait. Elle continuait à dire que le seul qui mérite l'adoration en toute vérité, c'est Allah. Regardez cette foi. Subhanallah. Regardez ce qu'ont subi les sahabas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyaient leur famille se faire torturer. Ils voyaient cela. Mais ils ont eu cette foi inébranlable. Donc il n'y avait aucune opportunité à essayer de montrer, tu vois, de cacher la mécréance. Au contraire, parce que c'était les kuffars à la Mecque qui avaient la puissance et qui torturaient les musulmans. Donc quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en fait après la hijra. Après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est allé à Médine, et plus précisément, l'hypocrisie a débuté après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr. Parce que là, les musulmans ont eu la puissance. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on comprenne bien en fait comment que ça s'est déroulé, c'est que il a fait la da'wa aux gens de Médine. Il y avait des tribus juives, Al-Aws ou Al-Khazraj, d'accord ? Ce qu'il y avait, c'est qu'ils étaient tout le temps en guerre. Ils avaient pensé mettre un roi qui allait les dominer. D'accord ? Et c'était Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. D'accord ? Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre-temps est arrivé, a fait la da'wah, les gens ont accepté l'islam, et il n'y avait plus ces batailles entre les tribus. Et il n'y avait plus le fait de mettre roi Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. D'accord ? Donc il y a eu la bataille de Badr. Il y a eu la bataille de Badr. Où est-ce que là les musulmans ont une puissance ? Où est-ce que là ils étaient redoutés par les polythéistes de la Mecque ? Et c'est là où est-ce que hop, les musulmans sont puissants ? Alors il a commencé à montrer l'islam et à cacher la mécréance. D'accord ? Parce qu'il ne supportait pas le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne et lui prive du fait de devenir un roi. Parce que les gens, ils ne pensaient plus à mettre roi qui que ce soit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils suivent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ? Ils se convertissent à l'islam. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'il a eu ça, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a considéré ça, il considérait cela comme ça, il l'a privé du trône, d'être roi, de cela. Et donc, et il a vu que les musulmans, après la bataille de Badr, sont devenus forts, parce qu'avant, il ne montrait pas son animosité à l'islam. Avant la bataille de Badr, il ne montrait pas. Il se comportait mal avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il y a eu la bataille de Badr, et il y a eu la puissance des musulmans, là, il a commencé à montrer l'islam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il a commencé à montrer l'islam et à cacher le kufr, la mécréance. D'accord ? Donc, quand est-ce que le nifaq a débuté ? Après. Ils l'ont accepté à Médine. Mais je parle de cet individu-là, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. D'accord ? Eux, ils ont accepté la da'wa. D'accord ? Ils ont été les Ansar, ils ont accepté la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis à l'islam, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de problème. Mais cette personne-là, ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi à avoir quelques bras avec lui pour essayer de faire du tort à la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Il y a eu des gens qui ont gardé des liens avec lui sur le fait qu'il n'acceptait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu et lui... Mais comment s'appelle ce roi-là justement ? Parce qu'à cause des guerres qu'il y avait... Non, il n'était pas roi. Enfin, il devait être roi. Il pensait être roi. Pour rétablir, soi-disant, la paix. Et une fois que les autres se sont reconvertis, tout ça, pourquoi il n'a pas accepté parce que par rapport à ce poste ? Parce qu'il a perdu ce statut. Il n'a pas pu avoir ce statut-là. Et ce qu'il y a, c'est qu'il détestait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait qu'il aurait souhaité s'en débarrasser, quoi. Pour que lui, il puisse retrouver ce statut-là. Donc il a montré, après la bataille de Badr, les musulmans ont eu la puissance, il a montré l'islam et il a caché le kofre. D'accord ? Et lui, c'est la tête des munafiqines. Et il avait l'hypocrisie majeure. D'accord ? L'hypocrisie majeure. Donc l'imam al-Kathir, rahimahullah, dit « Nazalat sifat al-munafiqin fi s-suwar al-madaniyya li'anna Mekka lam yakun fiha nifaq bal kana khilafu. » C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc l'imam al-Kathir, rahimahullah, dit « Les attributs des hypocrites ont été révélés dans les sourates médinoises. » Il a dit « Parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrisie, mais c'était l'opposé. D'accord ? C'était ? L'opposé. C'est-à-dire, il cachait l'islam, d'accord ? Mais il montrait une sorte de mécréance tout en détestant cet acte-là. Mais il avait la foi ferme, la conviction de l'islam. D'accord ? Pour éviter de... Donc c'était l'opposé. D'accord ? C'était l'opposé de l'hypocrisie. « Kana ba'd an-nas yudhiru al-kufr mustakrihan wa huwa fil batin mu'min » Ce qu'il dit, il dit, il y avait des gens qui montraient de la mécréance tout en détestant cela, mais à l'intérieur, il était croyant. « Dhakar Allah al-nifaq wal-munafiqin fi hadhihi as-suwar » Donc Allah Azza wa Jalla a montré l'hypocrisie et les hypocrites dans ces 17 sourates-là qui sont médinoises, dans sourate Al-Baqara, sourate Al-Imran, sourate Al-Nisa, sourate Al-Ma'ida, sourate Al-Anfal, sourate Al-Tawba, sourate Al-Hajj, sourate Al-Nur, sourate Al-Ankabut, sourate Al-Ahzab, sourate Al-Qital. Quelle est cette sourate-là, sourate Al-Qital? Dès que vous lisez Surat al-Qital, c'est pour référer à Surat Muhammad. D'accord ? Surat Muhammad, c'est Surat al-Qital. Surat al-Fath, Surat al-Hadid, Surat al-Mujadala, wal-Hashr, wal-Munafiqoun, wal-Tahrim. Donc, dans ces 17 surats-là, eh bien, Allah Azza wa Jalla a mentionné le Nifaq et les Munafiqin. D'accord ? Ce qu'il faut mentionner, c'est que sur les 30 sourates, sur les 30 sourates médinoises, il y en a 17 que je viens de mentionner, 17 qui portent sur le nifaq et les munafiqines. Donc on voit quand même, subhanallah, et ça représente 340 versets du Coran qui mentionnent sur le nifaq et les munafiqines. Donc on voit le danger de ces gens-là. Et le danger des attributs des munafiqines. D'accord ? Parce qu'ils font beaucoup plus de mal aux musulmans que les kuffars eux-mêmes. Les kuffars, leur coffre est clair, on sait sur quoi ils tiennent. Alors que le munafiq, il est à l'intérieur. On se méfie pas. Il est dans la communauté, il se fait passer pour un musulman. Mais ce qu'il y a, c'est pour mieux essayer de détruire. D'accord ? C'est pour mieux essayer de causer du mal et du tort aux musulmans. C'est pour ça qu'Omar avait cette inquiétude. Parce que ça fait partie de la foi, ça, de croire, de craindre de tomber dans le nifaq. Parce que le croyant, il a peur d'être un munafiq, il a peur de tomber dans l'hypocrisie, il a peur, subhanallah, d'en être un, quoi. Subhanallah. Alors que le munafiq, il se sent à l'abri, il se sent sécurisé, il se sent immunisé. Un nifaq nawa'an. Al-naw'u al-awwal an-nifaq al-i'tiqadi. وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. Donc il y a différentes catégories de nifaq. Il y en a plus précisément deux catégories de nifaq. Il y a le premier qui est nifaq al-i'tiqadi, c'est l'hypocrisie dans la croyance. Et c'est l'hypocrisie majeure. Donc on comprend bien, hein, associationnisme majeur, associationnisme mineur. Mécréance majeure, mécréance mineure. Hypocrisie majeure, hypocrisie mineure. Hypocrisie majeure, c'est dans la croyance. D'accord ? C'est le fait que l'individu montre l'islam. Il montre l'islam. Moi, les gens, ils croient que voilà, il montre l'islam. D'accord ? Mais il cache en lui le kufr. En lui-même, il ne croit pas. D'accord ? Il cache le kufr. Et celui qui a ce type-là de nifaq, eh bien, ça exclut celui qui est comme cela de l'islam. C'est plus un musulman, d'accord ? Il montre l'islam et il cache le kufr, ce n'est plus un musulman. Ça l'exclut totalement de l'islam. Et en plus, il se retrouve dans le plus bas fond, dans le plus bas niveau de l'enfer. Fi dark al-asfal min an-nar. D'accord ? Wa qad wasafa Allahu ahlahu bi sifat ash-sharr. Allah Azza wa Jalla à montrer les gens qui sont atteints de cette hypocrisie majeure, ils montrent l'islam et ils cachent la mécréance, et bien qu'ils ont tous les attributs du mal. Min al-kufr wa adam al-iman wa al-istihza' bid-din wa ahlih wa as-sukhriya minhum wa al-mayl bil-kulliyya ila a'da' ad-din لمشاركتهم لهم في عدوات الإسلام وهؤلاء موجودون في كل زمان ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته في الظاهر فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكيد له ولأهله في الباطن ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. Donc là, ce qui mentionne ici le Cheikh Salah Fawzan Hafidhullah, il dit Allah Azzawajal a décrit les munafiqin avec ce munafiq akbar avec tous les attributs du mal. Ils ont la mécréance, ils n'ont pas la foi, ils se moquent de la religion et ils se moquent des gens de la religion. Ils ont un penchant qui est total pour les ennemis de l'islam. D'accord ? Et ils s'associent avec les ennemis de l'islam, d'accord, afin de combattre l'islam. Et tout cela, ils sont présents en tout temps. Ils sont présents en tout temps, d'accord. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que les musulmans ont une certaine force, d'accord, eh bien, et qu'ils ne peuvent pas les combattre, même en s'associant avec les kofars, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à montrer en apparence qu'ils rentrent dans l'islam, qu'ils sont des musulmans, et qu'ils... D'accord? C'était menteur. D'accord? Et pourquoi ils font cela? Ils montrent en apparence cela afin de mieux comploter contre l'islam et contre ces gens, d'accord, de l'intérieur. Et afin de vivre au sein des musulmans, pour être sécurisés, question de leur sang et question de leur bien. D'accord ? فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب مكذب به. Il dit donc, qu'est-ce qu'il fait ce munafiq là? Il va montrer en apparence qu'il croit en Allah, à ses anges, à tous les anges, à tous les prophètes et messagers envoyés par Allah, à tous les livres, et ni au jour dernier, au destin bon ou mauvais, mais il ne provient que d'Allah. Il va montrer cela en apparence, d'accord? Alors que à l'intérieur de lui-même, il n'y croit pas du tout. Il n'y croit pas du tout et il ne croit pas en Allah et il n'y ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. Donc, alors que lui à l'intérieur, donc il montre cela en apparence, il croit en pilier de la foi, d'accord? Mais en apparence, il n'y croit pas du tout, d'accord? Et il dément cela. Et il ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal a parlé et a révélé sur un homme dont Allah Azza wa Jal a fait de cet homme-là, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un envoyé, d'accord, aux gens afin de les guider de par la permission d'Allah Azza wa Jal et de les mettre en garde contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc il les invite au bien et il les met en garde contre cela. Et bien l'hypocrite ne croit pas à cela, ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal a révélé à un homme qui est devenu un envoyé d'Allah. Il ne croit pas en tout cela, il ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal parle, il ne croit pas en rien de cela. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va montrer, en apparence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'opportunité, il n'a pas la force pour pouvoir les combattre clairement en apparence. Mais ces gens-là aussi ne croient pas du tout au jour du jugement dernier, ils ne vont pas rendre des... Non, mais ils ne croient pas. Le munafiq, on avait dit, selon le shara, selon la législation, le munafiq, il montre en apparence l'islam, mais il cache le kufr. Ah, donc il ne croit en rien. D'accord? Il cache le kufr, mais il montre l'islam. وقد هتك الله أسرار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. Et donc Allah Azza wa Jal a dévoilé ces gens-là, ces hypocrites-là, et a montré leurs secrets dans le Coran et afin, pourquoi en fait Allah Azzawajal a montré clairement leurs attributs, qui ils sont, a montré leur manigance et tout cela, afin que le croyant, le musulman, eh bien il fasse attention de ne pas tomber dedans et il fasse attention de ces gens-là. D'accord ? Voilà. وذكر طوائف العالم الثالث في أول البقرة. Donc Allah عز وجل a mentionné au début de sourate al-Baqara, d'accord, les trois catégories. Al-mu'minin, les croyants, wal-kuffar, les mécréants, wal-munafiqin, et les hypocrites. D'accord ? فذكر في المؤمنين أربع آيات. Sur les croyants, au début de sourate al-Baqara, Allah عز وجل a mentionné sur les croyants quatre versets. Quatre versets sur les croyants. Wa fil kuffar ayatayn. Et sur les mécréants, il a mentionné deux versets. Donc quatre versets sur les croyants, deux versets sur les kuffar, les mécréants. Wa fil munafiqin 13 ayah. Et sur les hypocrites, 13 versets. D'accord ? Sur les hypocrites, 13 versets. Li kathratihim wa umum al-ibtila bihim. C'est le fait qu'ils sont nombreux, ces hypocrites-là. Et il y a énormément, yani de, les musulmans sont énormément éprouvés à cause de, notamment, de ces hypocrites-là. وَشِدَّتْ فِتْنَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. Et le fait que ces hypocrites-là font énormément d'épreuves de difficultés, d'accord, et de mauvaises choses aux musulmans et à l'islam et à ces gens. فَإِنَّ بَلِيَّةِ الْإِسْلَامِ بِهِمْ شَدِيدًا جِدًّا. L'islam, donc ce que eux ils essaient de faire contre l'islam, yani ils font énormément de choses, mais de façon vraiment de la plus sévère. لِأَنَّهُمْ مَنْصُوبُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى نُسْرَتِهِ وَمُوَالَتِهِ. C'est ça le problème qu'on disait. Pourquoi ils font énormément de dommages? Parce que eux, en apparence, ils se montrent comme des gens qui font partie de l'islam. Ils font montrer en apparence qu'ils font partie des gens qui veulent la victoire de l'islam. Ils font montrer en apparence qu'ils sont des musulmans, donc ils s'allient avec les musulmans. وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ فِي الْحَقِيقَةِ. Alors qu'ils sont en toute vérité les ennemis de l'islam. يُخْرِجُونَ عَدَاوَتُهُ فِي كُلِّ قَالِبٍ يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّهُ عِلْمٌ وَإِصْلَاحٌ وَهُوَ غَايَةُ الْجَهْلِ وَالْإِفْسَادِ. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en plus, ils essaient même de tromper les gens. Il y en a qui essaient de, par des paroles qu'ils utilisent, ce sont des munafiqines, d'accord? Ils utilisent des paroles et tout cela pour essayer de tromper celui qui est ignorant et qui pense que celui-ci est bien ce qu'il dit. Et ce qu'il fait, c'est bien. Alors que ce qui est en toute vérité, eh bien, c'est l'ignorance et c'est la corruption et les mauvaises choses. Et il y a six catégories de ce type d'hypocrisie majeure. Il y en a six. D'accord ? Il y a six points ici à mentionner concernant l'hypocrisie majeure. L'individu qui te tombe dans cette hypocrisie majeure-là. Premier point, takdhib ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Takdhib ba'd ma ja'a bihi ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point. Donc premier point, c'est qu'il dément l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou deuxième point, c'est qu'il dément des choses qui viennent de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est qu'il déteste l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. Quatrième point, بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est le fait de détester des choses dont tu es venu avec l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. Il va détester des choses de la sunna, par exemple, que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, eh bien, a transmis de la part d'Allah عز وجل. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah Azza wa Jal, qui transmet via Jibril alayhi salam, qui transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le quatrième point, c'est qu'il va détester des choses qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines choses qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-misra bi-inkhifad din al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il y a, c'est qu'il va œuvrer afin d'affaiblir la religion de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il va œuvrer afin d'affaiblir la religion de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Pour essayer de l'affaiblir. D'accord ? Et le sixième point, Al-karahiya li-intisar din al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait qu'il déteste que la religion de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la victoire. D'accord ? Ça, c'est parmi les six points qu'un hypocrite qui a cette hypocrisie majeure, eh bien, a. Il dément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dément certaines choses dont est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou il déteste certaines choses dont est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il œuvre pour diminuer ou affaiblir la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il déteste la victoire de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc on va s'arrêter là, inchallah, pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine, inchallah, sur Sifat al-Munafiqin. Et on va voir le deuxième point qui est l'hypocrisie dans les œuvres. D'accord ? Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.